Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Benvenuti alla puntata in francese di Ondivago, animata da Anna Raffaella Farao, che da Parigi ci parlerà del cioccolato. Vi lascio alla sua voce cioccolatata. Vous écoutez Ondivago avec Anna Raffaella Farao. Ondivago.com. Bonjour à tous les habitués et bienvenue aux néophytes. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'arbre des délices, à savoir le cacaoyer. Mais avant tout, ceux qui ont précédemment suivi Ondivago savent que pour entrer dans nos habitudes radiophoniques, il faut activer ses méninges en essayant de découvrir la solution du rébus que je suis pour vous énoncer. Mon premier est un relief d'importance variable. Mon second est la boisson préférée des Asiatiques. Mon troisième correspond à la dernière et à la 21e lettre de l'alphabet. Mon quatrième est un adjectif possessif féminin. Et mon tout est un empereur aztèque. Je vous souhaite une bonne écoute en notre compagnie, gourmands et gourmets. Je vous invite sur la route des Mayas et des Aztèques, humez, imaginez, salivez, croquez à pleines dents, débridez votre imaginaire, excitez vos papilles et laissez fondre ce joyau de la nature, le chocolat. C'est en 1735 que le naturaliste suédois Linné le baptise Theobroma cacao, qui signifie littéralement « aliment des dieux ». Les Mayas et les Aztèques sont les premiers à le cultiver. Plus tard, ce sont les conquistadores espagnols qui le plantent dans les Caraïbes, puis Français et Hollandais le répandent en Afrique de l'Ouest, à Java et à la Martinique. Aujourd'hui, c'est autour de l'équateur que s'étendent les plantations, en formant une ceinture tropicale entre le tropique du Cancer et du Capricorne, car c'est là que cet arbre trouve les conditions idéales de chaleur et d'humidité. Il y a trois variétés de cacaoyer. Le criollo, c'est l'espèce la plus réputée que l'on trouve essentiellement en Amérique du Sud. C'est aussi la plus délicate et la plus productive. Les fèves sont grosses et révèlent peu d'amertume. Les plus prisées proviennent du Venezuela et se nomment Ocumare, Porcelana, Chuao. Nous trouvons ensuite le Forastero. Très productif, c'est l'espèce la plus cultivée au monde. On la trouve au Brésil et en Afrique. Son parfum est plus puissant. La présence de tanins lui confère un goût plus amer. En Équateur, un type local, le Nacional, est recherché car son goût et son arôme rivalisent avec les criollos. Thank you. La troisième variété est le Trinitario, créé à Trinidad. Elle réunit les qualités des deux variétés précédentes. On la rencontre en Amérique du Sud, aux Antilles et en Asie. Tikinchu. Seten tikinchachu. Ejo chenile atuhun ichu atunilnat. Tu ichile ame kuhitik kanop yetel utap. Kutap siksot op yetel si. Avant que le chocolat n'arrive à votre palais, il y a bien des étapes de transformation à subir pour les cabosses, fruits du cacaoyer. Après les récoltes, qui s'effectuent 4 fois dans l'année, novembre et janvier pour la récolte principale, puis mai et juillet pour la récolte secondaire, les cabosses sont cueillies à la main et fondues à la machette pour en extraire les fèves enveloppées d'un mucilage blanchâtre. Ce processus s'appelle l'écabossage. Ces fèves crues sont âprins et riches en amidon et n'ont aucune odeur de cacao. Il faut donc procéder à la fermentation. Pour cela, on les entasse, puis on les recouvre de feuilles de bananier. On les laisse ainsi pendant 1 semaine à une température de 45 à 50 degrés, en les brassant régulièrement. Cette fermentation débarrasse les fèves de leur pulpe, réduit le goût amer et développe les arômes. Elles gonflent et prennent la couleur brune. Après la fermentation, intervient le séchage. Après les avoir lavées, elles sont séchées au soleil ou dans des séchoirs rotatifs. Elles sont ensuite triées et mises en sac pour l'exportation ou la transformation de la fève en chocolat pourra alors s'effectuer. Avant de ravir vos palais délicats, combien d'opérations douloureuses subiront ces pauvres fèves, torréfiées, concassées, broyées, dégraissées, pour terminer en poudre de cacao. La torréfaction consiste à les griller pendant 20 à 30 minutes de 120 à 140 degrés, afin d'enlever une grande partie de leur humidité et développer les arômes. Ensuite, le concassage consiste à les écraser entre 2 cylindres cannelés pour les réduire en particules de 2 à 3 mm. Et enfin, le broyage dans un moulin, une fois purifié, donnera la pâte de cacao. La dernière étape de chauffage et pressage séparera la partie liquide, à savoir le beurre de cacao, de la partie solide dégraissée que l'on appelle tourteau, avec lequel on fabriquera la poudre de cacao. Qu'est-ce qu'un chocolat bio? C'est un chocolat qui contient des ingrédients naturels non traités chimiquement. Du cacao bio, au sucre de canne bio, beurre de cacao et vanille bio, ainsi que le lait pour le chocolat au lait. Certains chocolats contiennent de la lécithine de soja ou autres émulsifiants, tels que l'huile de palme, beurre de karité, lécithine de colza, huile d'ilipé, utilisés pour leurs propriétés émulsifiantes et pour faciliter leur conservation. Or, plus le chocolat est authentique, plus il est riche en beurre de cacao, moins il est nécessaire d'ajouter de dérivatifs. Certains fabricants remplacent les lécithines par des farines de goire ou d'épeautre. Ainsi, le travail de brassage est moins long, mais aussi moins complet. C'est depuis 2003 qu'un décret européen a autorisé l'ajout de matières grasses autres que le beurre de cacao, car celles-ci sont moins chères et abaissent le coût de fabrication. Mais parallèlement, elles nuisent à la qualité gustative et nutritionnelle du chocolat. Le chocolat bio joue la carte de la saveur avec 100% de beurre de cacao, ce qui est notifié sur l'emballage. Alors, amateurs ou puristes, sachez lire les étiquettes. Le rôle du beurre de cacao dans le chocolat. Il confère une rondeur en bouche, un fondant plus important, une plus grande finesse, moins d'amertume. Il permet la transmission des arômes. Il est, pour ainsi dire, l'ingrédient noble du chocolat. Il faut savoir que les sucres raffinés, le saccharose blanc, contrairement au sucre de canne complet, n'apportent aucun nutriment essentiel. Il fait augmenter le niveau de sucre dans le sang et fatigue le pancréas. Les édulcorants chimiques tels que l'aspartame, la saccharine, les cyclamates font travailler nos organes chargés de l'assimilation du sucre dans le vide et vont ainsi se stocker dans le foie. Il faut savoir aussi que les arômes artificiels et les colorants sont des produits de synthèse obtenus chimiquement. Je vous parlerai maintenant des vertus du chocolat naturel. C'est un aliment complet qui apporte glucides, protides, lipides, fibres, sans oublier les vitamines, les minéraux et oligo-éléments, à condition qu'il soit dans une proportion de 70% de cacao minimum. Il renferme du magnésium, du fluor, calcium, fer et phosphore, pour ainsi dire une mine de bienfaits. Le chocolat blanc, lui, ne possède pas de cacao. Il ne bénéficie donc pas totalement des atouts du chocolat noir. Le chocolat noir est donc énergisant, antioxydant grâce aux vitamines E, au cuivre et au tanin. Il est protecteur du système cardiovasculaire. Ces antioxydants limitent le stress et diminuent la formation des radicaux libres qui luttent contre le vieillissement cellulaire. Les acides gras monoinsaturés du beurre de cacao augmentent le taux du bon cholestérol et luttent contre la tension artérielle. C'est un stimulant du transit intestinal grâce à ses fibres et au tanin. En résumé, il a des vertus toniques, antidépresseurs, euphorisants, aphrodisiaques. C'est un aliment magique qui renferme plus de 800 molécules. Il fait sécréter des endorphines, les hormones du bonheur. C'est pour cette raison qu'au XVIIIe siècle, seuls les adultes avaient droit d'en consommer. En France, il faisait la joie des courtisanes et des libertins qui le buvaient pour ses vertus stimulantes, propres à exciter les ardeurs de Vénus. Avant de vous délivrer une recette, je vous conseillerais pour conserver le chocolat de le mettre à l'abri de l'humidité, de la chaleur et des odeurs. Dans un endroit sec et aéré, entre 18 et 20 degrés maximum, et à l'abri de la lumière. Si vous observez une pellicule blanche à la surface, c'est qu'il a été surexposé à la chaleur. Le beurre de cacao a un peu fondu, puis s'est resolidifié à la surface. Si le blanchiment est cristallin, il aura subi l'humidité et cela a condensé le sucre à la surface. Mais malgré ces petits désagréments, il est propre à la consommation. Son goût en sera juste un peu altéré. les gourmands et les addicts du chocolat, je délivrerai une recette simple à réaliser. La mousse au chocolat était matcha. Pour 4 personnes, il sera nécessaire 15 minutes de préparation, puis 4 heures de temps de réfrigération. Alors, pour 100 g de chocolat noir, il vous sera nécessaire 4 œufs, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de sucre glace, 2 cuillères à café de thé matcha. La première étape consiste à faire fondre le chocolat au bain-marie. Mélangez et réservez hors du feu. Ensuite, vous cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. La troisième étape, vous ajouterez les jaunes au chocolat. Puis, vous montrez les blancs en neige avec la pincée de sel. Vous prélevez ensuite 2/3 des blancs en neige et vous les ajoutez très délicatement au chocolat pour ne pas les casser. Répartissez la mousse dans 4 verrines. Avec le reste des blancs d'œufs, faire une mousse avec le thé. Pour cela, vous incorporez les blancs avec le sucre glace et la poudre de thé matcha que vous disposerez au-dessus de votre mousse au chocolat. Gardez au réfrigérateur au moins 4 heures avant de servir. Pour une plus belle présentation, vous pouvez utiliser une poche à douille pour disposer votre mousse de thé. Il est temps de vous délivrer la solution du rébus. Alors, mon premier était un relief variable. Il fallait deviner mon. Mon deuxième est la boisson préférée des Asiatiques. C'était le mot thé. Mon troisième correspond à la dernière et la 21e lettre de l'alphabet. La réponse est Z et U, ce qui nous donne la syllabe ZU. Mon quatrième est un adjectif possessif féminin et il fallait deviner ma. Et mon tout est un empereur aztèque, ce qui nous conduit à Montezuma. Montezuma était un empereur aztèque né à Mexico en 1466 et mort en 1520. C'était un grand amateur de chocolat. Il en buvait 50 tasses par jour, histoire de ne pas décevoir les femmes de son harem. Alors messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je terminerai cette émission avec une citation de François de La Rochefoucauld. Aimez le chocolat à fond, sans complexe, ni fausse honte, car, rappelez-vous, sans grain de folie, il n'est point d'homme raisonnable. Pour les voyageurs, je conseillerais le temple du chocolat bio. Alors, vous trouverez sur le site www.chocolatitude.com pour laquelle l'adresse est le 57 rue Daguerre, Paris 14e, tout ce que vous voulez savoir sur le chocolat. Et je vous conseillerai un ouvrage « Chocolat bio » de Annie Casamayou et Karen Chevalier aux éditions Anagramme. Au revoir et à bientôt sur Ondivago. In questa sequenza di Ondivago avete ascoltato le sonorità Maya di Balam, un gruppo messicano che trovate su Jamendo. Le sonorità del cioccolato mangiato sono prodotte invece da Green Couch, che trovate su Free Sound. Tutte le musiche sono Creative Commons. On divago, parcours ondoyant à travers la littérature, l'art et la culture. Un programme conçu par Max Ponte et Anna Raffaella Farao, à la console Alessandro Gianotti. Ondivago.com